Grâce à l'arrosage régulier pratiqué tout au long du printemps, un gazon vert tendre avait poussé sur l'emplacement des anciennes plates-bandes. Avec les fusains, pêchers et lauriers-cerises fraîchement plantés, le parc de Pérol semblait revenu à un état plus sauvage et presque plus attrayant. Allongés sur l'herbe, à l'ombre d'un cèdre bleu, Pascal et Aurore sirotaient du thé glacé apporté dans une thermos. « Adrien a promis de nous faire un feu d'artifice », rappela Pascal. « Je crois que ça l'amuse beaucoup. » Son frère et son père devaient arriver aux environs du 10 juillet et s'installer pour une semaine. « On mettra des lampions partout », décida Aurore. « Il y a un modèle très facile à bricoler avec du papier crépon et du fil de fer. » Affichant un sourire réjoui, Pascal versa du thé dans leur gobelet. L'été s'annonçait bien avec cette fête du 14 juillet qui marquerait le début de leurs vacances. « Je ne prends que 15 jours. Il y a vraiment un travail fou à l'hôpital. Et Jacques Médéric va s'absenter tout un mois. Ça lui fend le cœur de s'éloigner aussi longtemps de son service. Mais ses enfants et ses petits-enfants le réclament. De toute façon, il est fatigué en ce moment. Et il se repose de plus en plus sur toi. On s'entend bien, admit Pascal. On a la même conception de la pneumo. Peut-être finiras-tu patron un jour. Tiens, comme Nadine Clément. » Elles se mirent à rire, égayées par la comparaison. « Elle est un peu moins tyrannique, » fit remarquer Aurore. « Je crois qu'elle vieillit. » Un mois plus tôt, Pascal avait eu la surprise de recevoir un coup de téléphone de Nadine. Sans préambule, celle-ci était entrée dans le vif du sujet en demandant si, à tout hasard, elle pouvait faire quelque chose pour Julia. Pascal avait décliné l'offre poliment mais fermement. Pour elle, il n'y avait pas de hasard. Les Montag avaient fait leur choix 40 ans auparavant, et elle ne laisserait aucun d'eux approcher sa demi-sœur. Elle-même se rendait à Castres un samedi sur deux, essayant patiemment de tisser un lien affectif entre elle et Julia. Lors de sa dernière visite, elle avait eu droit à des sourires bouleversants. « S'il ne se passe toujours rien aujourd'hui, j'achèterai un test demain matin », lâcha-t-elle soudain. Aurore se souleva sur un coude et la dévisagea. « Tu as réussi à attendre jusque-là ? À ta place, je n'aurais jamais eu la patience. J'aurais fait ce test la semaine dernière. » Tu sais, à l'époque où je voulais désespérément un enfant, j'ai eu tant de désillusions que je préfère être prudente. Et Sam, tu ne lui as toujours pas annoncé que tu avais du retard ? Oh non, quand ce sera sûr, pas avant. Je croise les doigts pour toi, murmura Aurore d'un air extasié. Si tu as un marmot, je me mets au tricot. Un nouveau rire secoua Pascal, qui faillit s'étrangler avec une gorgée de thé. Aurore était la seule à connaître cet espoir d'enfant. Elle ne voulait ni en faire état, ni même y penser trop souvent. Mais depuis quelques jours, elle se sentait devenir fébrile. « Quand on parle du loup, regarde qui arrive !» L'audi de Samuel venait de se ranger devant le perron et il en descendit, un petit paquet à la main. Aurore se mit debout pour le héler, puis elle se pencha vers Pascal. « Je vous laisse en tête à tête, je vais faire ma tarte aux framboises. » Tandis que Sam traversait la pelouse, Pascal se redressa et s'assit en tailleur, heureuse de le regarder venir vers elle. À deux pas, il s'arrêta et la considéra avec une gravité inattendue, tenant toujours délicatement son paquet blanc par la ficelle. « Ma chérie, je me suis dit qu'un bouquet de fleurs à Pérol serait une très mauvaise idée. Alors j'en ai eu une autre, à mon avis pire, car ces chocolats doivent être fondus avec cette chaleur. N'ouvre pas la boîte. On la mettra au frigo pour voir si on peut sauver ces péchés du diable. Tiens, rien que ce nom, c'est bien mal choisi pour la circonstance. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. » dit-elle en lui adressant un sourire charmeur. « Tu es resté trop longtemps au soleil ?»« Écoute, la moindre des corrections exige qu'on n'arrive pas les mains vides pour faire une demande en mariage. » Il s'agenouilla dans l'herbe et déposa le paquet aux pieds de Pascal. « Je suis sérieux. Veux-tu m'épouser ?»« Je sais, ce sera le deuxième essai et on n'aura même pas droit à l'église, parce qu'ils ne peuvent pas nous bénir tous les 5 ans. Mais il y a sûrement moyen d'organiser une petite fête malgré tout. » Le ton se voulait léger. Néanmoins, sa voix altérée l'avait trahi. Pascal ne s'attendait pas du tout à cette déclaration, même si elle y avait déjà songé. Depuis qu'elle s'était retrouvée dans les bras de Sam, à faire passionnément l'amour, puis à s'endormir béatement blottie contre lui, ses doutes et ses peurs avaient été balayés. Cependant, fallait-il en revenir à un contrat de mariage ? À une union légale ? Ce ne serait justifié qu'au cas où un enfant... « Réponds-moi quelque chose, » murmura-t-il. Tu me mets à la torture. Tu ne veux pas me laisser quelques jours de réflexion ? Le temps d'obtenir une certitude et d'avoir ainsi une vraie raison de lier son destin à celui de Samuel pour la seconde fois. Désemparé, il la scruta d'abord avec inquiétude, puis hocha la tête en signe de résignation. « D'accord, soupira-t-il. Il n'y a pas d'urgence. » « Peut-être que si. » Toutefois, elle s'accrocha à son idée de délai. N'était-ce pas la leçon inculquée par ses parents pour contrer son caractère impulsif et obstiné ?« Prends toujours le temps de réfléchir avant de foncer tête baissée, » lui rabâchait Henri dans son enfance. Un répit, un sursis, c'est ce qu'elle s'était donné avant d'acheter Pérole, avant d'interroger son père au sujet du livret de famille et de Julia, avant de reconnaître que Samuel était l'homme de sa vie. Elle appuya sur son épaule pour le faire basculer dans l'herbe à côté d'elle. S'il était déçu, il le cachait bien, car son expression était à présent d'une infinie tendresse. « J'aime ta maison, j'aime cet endroit », murmura-t-il en regardant le ciel. La première fois qu'ils avaient survolé Pérole, c'était en plein hiver, et ils n'avaient rien remarqué. Aujourd'hui, ils ne verraient qu'un parc comme un autre, avec de grands arbres et une pelouse vallonnée. Le message de Camille était effacé, mais Julia n'était plus cette ombre disparue dans un impossible oubli. Elle avait désormais un visage qui n'était pas seulement celui du malheur. « Viens l'habiter avec moi si tu l'aimes. » Elle sentit la main de Samuel se refermer sur la sienne et un sentiment de paix l'envahit. Pérole avait livré ses secrets, la contraignant à remonter le cours du temps pour y apprendre la leçon du passé. Mais à présent, elle était libre. La prochaine fois qu'elle irait au marché d'Albi, elle achèterait des fleurs et les porterait sur la tombe de sa mère.